Démystifier la conscience. Voilà le titre de la capsule audio que je fais maintenant, étant donné que c'est la première capsule que je fais lors de l'année 2022, au moment où je l'enregistre, on est au mois de janvier. Eh bien, je tiens à vous souhaiter une belle année 2022. Donc, avec le bonheur, avec la paix de l'esprit et surtout la santé. Donc, en cette période où est fait l'enregistrement, où ça fait environ 2 ans que nous sommes en pandémie, selon ce que disent les médias. Donc, les médias de masse, eux autres, ils disent qu'on est dans un état de crise là, incroyable là, au niveau sanitaire, selon leurs propos. Bien, c'est sûr que dans une pareille période, bien, ça peut être utile d'avoir la santé. En ce qui me concerne, ce que je constate, c'est qu'il y a une peur là, épidémique qui est véhiculée dans les médias présentement. Et c'est pour me prémunir de ça que je vise, et je me le souhaite même à moi-même, la santé autant physique que psychique. Pour cette nouvelle année, en regardant qu'est-ce qui se passe dans les pays occidentaux, là, que ce soit la France, la Suisse, au Canada, donc on est dans une situation sans précédent en matière de gestion de crise sanitaire. Et ce que je voulais dire, c'est que bon, j'ai pris une pause là, de mes activités de diffusion web là, depuis le milieu du mois de décembre de l'année 2021. Et là, je suis de retour. Ça a été un temps d'arrêt qui a été utile pour moi. Ça m'a permis de prendre du temps pour, dans le fond, m'intérioriser. Où ce que je me suis distancé par rapport à plusieurs influences de lanceurs d'alerte, de gens qui véhiculent aussi de la conscience. Et je me suis amusé à jouer à des jeux vidéo. Donc, après près de 2 ans qu'on cherche, entre autres, à nous faire peur dans les médias, j'ai fait pendant une longue période de temps un suivi quand même très assidu là, de l'actualité. Et puis là, j'ai pris quelques jours pour me distancer un peu de tout ça et prendre du temps pour me reposer aussi de la diffusion constante que je faisais là, sur Facebook, sur YouTube, de capsules audio, de relayer des articles, entre autres, sur Facebook en lien avec la crise, etc. Donc, c'est sûr que j'avais besoin de prendre du temps pour moi parce que j'étais beaucoup là-dedans. Donc, prendre une certaine distance. Et je me suis détaché, bon, pour les gens qui ont écouté mes enregistrements là, que j'ai fait au mois de décembre, de livres d'enregistrements que j'écoutais régulièrement, en lien entre autres aussi avec la conscience, en plus du suivi de la crise, pour prendre du temps puis m'amuser comme un enfant à jouer à Mario Bros 1, Mario Bros 2. Donc, les gens de ma génération, c'est-à-dire que là, je suis rendu à 40 ans, bon, peut-être que ça va faire écho à certains plaisirs d'enfance à jouer à des jeux vidéo comme ça, mais ça m'a fait du bien. Et là, je me sens prêt pour faire d'autres choses. Donc, je me suis détaché de plein de choses. Je me suis détaché, départi de plusieurs livres, enregistrements audio. Puis là, progressivement, là, j'observe qu'est-ce qui émerge en moi. Là, j'ai eu de l'intérêt pour écouter un enregistrement de Bernard de Montréal. Tranquillement, je me réintéresse à ces choses. Après avoir fait une pause. Et là, j'observe qu'est-ce que je réintègre dans ma vie et la fonction de ces éléments. Que ce soit des enregistrements audio que je réécoute ou des livres, ce qui peut être intéressant de faire, et c'est une des raisons pour laquelle, dans le fond, je fais cette capsule, c'est de vous proposer d'évaluer la fonction qu'ont, par exemple, dans votre vie, que ce soit des enregistrements, des livres ou l'écoute de capsules audio de YouTubeurs, par rapport à vous. Regardez qu'est-ce qu'il y en a. Puis des fois, on peut être surpris. Donc, c'est sûr que par rapport à l'écoute d'enregistrement de Bernard de Montréal, ce que j'ai réalisé en prenant un recul, c'est que lorsque j'écoute ces enregistrements-là, foncièrement, ce que ça fait chez moi, et c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, là, fait que c'est pour ça que je fais entre autres la capsule audio, là, c'est que ça induit un état de transe et l'émergence d'idées de nature intuitive, comme ce qui est vécu dans un état... carrément, ça m'amène à connaître un état d'altéré de conscience lorsque je l'écoute. Donc, autrement dit, ça amène moi-même à vivre un état de transe où ce que ça me parle intérieurement et il y a des idées qui émergent en moi. Et avant d'écouter l'enregistrement, je ne sais pas c'est quoi les idées. Puis pendant, il y a des idées qui émergent et la particularité, c'est que c'est des idées qui n'ont pas nécessairement de lien ou de rapport direct avec la nature des propos tenus. Par exemple, je peux écouter un enregistrement qui question des rapports du couple ou c'est quoi la différence entre, par exemple, l'âme et l'esprit, mais simultanément, je peux vivre un état de transe où ça va me parler en lien avec la crise sanitaire ou par rapport au développement de nouvelles technologies, là. Et c'est pas l'objet de l'enregistrement que j'écoute. Donc, c'est particulier comme expérience. Et c'est sûr que, dans le fond, l'écoute de ces enregistrements-là, en réalité, ce que j'ai réalisé, en prenant un peu de recul, c'est que c'est un prétexte pour moi pour être à l'écoute d'une dimension intuitive en moi-même. Donc, c'est sûr d'écouter les enregistrements un peu comme quand on écoute une méditation guidée avec la petite musique douce. Bon, ben ça peut induire un état de transe, un état de détente. Et la particularité des écoutes des enregistrements, entre autres de Bernard, c'est que ça l'induit avec une certaine profondeur. Dans le sens que j'observais que d'écouter les enregistrements de Bernard de Montréal, comparé de ceux de Marc de la Salle que j'ai interviewé pendant plusieurs années, la distinction entre les deux, en tout cas chez moi, c'est que l'écoute de ceux de Bernard va avoir tendance à induire un état plus profond de transe en moi qui me connecte avec la dimension intuitive de ma conscience. Et ça fait écho à des potentialités que j'ai en moi-même, en ce sens que si on écoute quelqu'un qui parle sans réfléchir et qui sort plusieurs idées, puis sans, il peut faire une conférence qui va durer 2 heures, là, et puis aucune préparation, ben, ça fait réaliser que peut-être que nous autres, on est capable d'en faire autant, puis que le phénomène de l'ajustement de la parole qui se produit chez lui, où ce qu'il parle quelque chose à haute voix, puis à quelque part, il obtient des réponses, il obtient des informations et la pensée qui est véhiculée se précise, gagne en clarté au fur et à mesure des minutes où ce qu'il la communique. Bon, ben c'est un peu le même phénomène qui peut être expérimenté par d'autres personnes aussi. Donc, la fonction de ces enregistrements, avec le temps, ce que j'ai réalisé, c'est l'induction d'un état altéré de conscience dans le sens modifié. Donc, on a des chamans qui vivent des états altérés de conscience. On parlait de trans chamanique. Et je m'étais intéressé aux travaux, entre autres, de Corinne Sombrun, qui, dans le fond, va parler dans son cas de trans cognitive pour démystifier le phénomène de la conscience altérée des chamans. Donc, enlever la couleur spirituelle ou religieuse du phénomène ou liée à certains rituels pour aller chercher l'expérience pour ce qu'elle est en elle-même par rapport à ses caractéristiques. Donc, qu'il y ait un rituel où la personne se met à danser puis à chanter autour d'un feu, ce qui est fondamental dans l'expérience de la transe cognitive, c'est l'état altéré de conscience où la personne perd la notion du temps, la notion de l'espace et certaines perceptions sensorielles, comme par exemple l'état de fatigue. Donc, dans un état de transe, on ne perçoit pas l'état de fatigue. Ensuite, dans l'état de transe, ça se peut qu'on ne perçoive pas certains besoins physiologiques, corporels de base, comme aller aux toilettes déféquer à chaque jour. Ça me fait penser à une anecdote que, en fait, m'avait faite un invité que j'avais interviewé, qui avait hébergé chez lui, là, Bernard de Montréal, qui me racontait qu'il devait lui rappeler donc régulièrement aux différentes journées à Bernard d'aller aux toilettes là, pour déféquer. Là. Et en lien avec ça, ben, ça me fait penser à l'état de transe chamanique où la personne qui vit un état d'éthérique de conscience, un peu comme un chaman qui peut danser plusieurs heures consécutives là, proche d'un feu, ben, c'est un petit peu le même principe. À un moment donné, la personne est tellement absorbée par quelque chose, elle perd certaines perceptions qui sont diminuées, alors que d'autres sont amplifiées. Donc, c'est ça que je voulais mentionner par rapport aux fonctions d'enregistrement de Bernard. Je me suis mis à réécouter. Ensuite, ben, je me suis remis à écouter des enregistrements d'André Moreau, donc le philosophe jovialiste québécois, où qui donne beaucoup d'importance à s'amuser. Et c'est sûr qu'en cette période qui est très morose au niveau de l'actualité internationale, avec des mesures très répressives qui sont prises, notamment le retour du couvre-feu au Québec, donc pour une deuxième fois, donc un deuxième hiver, donc l'année passée, en 2021, il y avait le couvre-feu en début d'année. En début d'année 2022, encore une fois, le couvre-feu est de retour. Et avec d'autres cortèges, d'autres mesures de contrôle social, bon ben, par rapport à toute cette pression-là, cette tension-là, quoi de mieux pour moi que d'écouter André Moreau qui parle de l'importance de se laisser être plutôt qu'à chercher à se contrôler puis à être névrosé. André Moreau, dans ses enregistrements, ben, c'est sûr que, à quelque part, c'est une philosophie qui est joyeuse. Et d'écouter ça, ben, ça me donne du plaisir de vie. C'est sûr, ça me fait changement de ce qui est véhiculé dans les médias de masse. C'est quand même assez déprimant, toutes les nouvelles qui sont véhiculées là, ces temps-ci. C'est ça que ça m'apporte. Et sinon, ben, j'écoute. Je me suis mis à écouter des enregistrements de Luc Bodin. C'est quelqu'un dans le domaine de la haute spiritualité. Vous avez plusieurs vidéos de lui là, sur YouTube. C'est un ancien médecin qui, dans le fond, va parler de pratiques à caractère thérapeutique là, dans le cadre de ses vidéos. Et il y a notamment là, plusieurs méditations guidées. Moi, je vais en écouter, puis l'écouter parler calmement. Ça me détend. Et ça va induire en moi un état beaucoup plus agréable que celui qui peut être généré par les gens qui anime les médias de masse et qui cherche à véhiculer un état de peur. Donc, ça fait changement. Mais par rapport au thème de l'enregistrement d'aujourd'hui, donc de démystifier la conscience, en fait, ce que je peux dire, c'est que en prenant du temps pour prendre un recul par rapport à la conscience, ce que j'ai observé, en réalité, c'est que les idées émergent dans le mental et l'intellect en prend conscience par la suite. Donc, un peu comme peut l'expliquer, par exemple, les neurosciences. Si on pense entre autres à la théorie du cerveau triunique, où ce que le cerveau instinctif reptilien à la base, qui perçoit des choses. Donc, c'est le cerveau qui génère la dimension de la survie de l'individu, son instinct de conservation, voire de procréation aussi. Mais le cerveau qui est le plus actif au sein de la personne, qui va générer des réactions spontanées, c'est le cerveau reptilien. Ensuite, il y a le cerveau limbique qui gère les émotions, le néocortex par rapport à la dimension intellectuelle, la métacognition, donc être conscient de faire une activité intellectuelle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la dimension conscience réflexive prend toujours conscience après coup de la pensée, qui peut, dans le fond, être en relation avec le traitement de l'information faite par le cerveau limbique, qui est plus rapide que le néocortex, ou le cerveau reptilien qui l'a encore plus. Et la conscience intellectuelle est toujours en retard par rapport à ça, ce qui crée des effets de surprise. Donc, on peut se surprendre à parler avec des informations qui émergent. Et c'est sûr que ça, c'est une théorie qui a une vision plus matérialiste, mais comme le philosophe jovialiste André Moreau, je rejoins aussi sa perspective qui est immatérialiste dans le sens que les activités du cerveau reptilien, ensuite le cerveau limbique ou néocortex. De ma perspective, ça n'explique pas tout parce que il y a des pensées spontanées qui sont en relation avec des gens à plusieurs mètres ou kilomètres de distance qui ont une simultanéité, dans le sens qu'on peut penser à quelqu'un puis la personne en même temps pense à nous alors qu'elle est à plusieurs kilomètres de distance puis elle décide de nous contacter par téléphone ou nous envoyer un message texte par Facebook. Donc, ce type de phénomène-là ne peut pas être expliqué par une vision purement matérialiste de la pensée comme étant un élément qui est logé dans un cerveau physique. Mais il y a certains éléments, phénomènes relatifs au traitement de la pensée ou de l'information qui sont en relation naturellement avec le cerveau reptilien, ensuite le cerveau aussi limbique et la mystification qui peut être faite par le néocortex lorsqu'il appréhende les informations venant de ces deux cerveaux-là, c'est qu'il en prend conscience après coup. Donc ça peut créer une forme de mystère, mais en réalité, c'est tout simplement que c'est des dimensions de l'individu qui traitent plus rapidement l'information que la dimension consciente réflexive qui réalise l'information qui émerge dans le champ de la conscience après coup. Donc, c'est sûr comme phénomène particulier, ce que je peux vous partager, puis des fois, c'est ça qui peut être surprenant. Je discute avec des gens. Donc, à un moment donné, j'étais... j'étais chez ma mère avec ma compagne, on discutait à table il m'est émergé comme ça. Puis je m'attendais pas à dire ça non plus, que éventuellement, le lobby LGBT+ va vouloir à ce qu'il y ait un président des États-Unis qui soit un transgenre. Donc, et je m'attendais pas à dire ça, ça sortit de ma bouche, puis j'ai pris conscience de tout ça après coup. C'est sûr qu'on entend beaucoup parler des transgenres ces temps-ci. Puis là, on parlait par rapport au président des États-Unis, qu'est-ce que ça pourrait être, là? Donc, la possibilité, que par rapport à Joe Biden, si, par exemple, une femme noire prend la relève, ce qui serait un double précédent, c'est-à-dire une personne de couleur à la gouvernance des États-Unis, et en même temps, une femme pour une première fois. Donc, ça serait un deux dans un. Et c'est sûr que par rapport au Parti démocrate, moi, ce que j'ai intuitivement comme perception, c'est qu'eux autres vont chercher à amener des individus qui vont faire reculer certains tabous ou faire des choses qui n'ont jamais été faites, si on pense à Barack Obama, donc un homme noir là, qui a été élu président des États-Unis. Donc, ça a été une première. Et ça fait éclater certaines formes par rapport à la conception traditionnaliste du président, donc la conception conservatrice qui pouvait être associée à ce rôle comme étant quelqu'un de type masculin. Mais il est possible que dans les prochaines années, le lobby des lesbiennes, gays, transgenres et plus, LGBT+, et les non-binaires vont chercher à faire pression sur la Maison-Blanche et entre autres par rapport au Parti démocrate qui est plus progressiste pour amener quelqu'un à la présidence des États-Unis qui soit issu de cette communauté. Et c'est sûr qu'à l'époque où les gens cherchent à avoir l'attention médiatique, ce qu'il faut, c'est de créer un choc dans la psychologie populaire, dans le sens de chambarder les façons et les représentations sociales convenues depuis des décennies par rapport au rôle du président des États-Unis. Donc, il y a quelques décennies à peine, il y a à peine un siècle, c'était pas envisageable qu'il y ait un président noir aux États-Unis comme Barack Obama. Et moi, ce que je vous dis, c'est que dans quelques décennies, on aura sans doute un lobby au niveau du mouvement, entre autres woke, qui veut dire en anglais « éveil », à quelque part, là, ça prend des gens de toutes les diversités, là, diversité d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle aussi. Ça peut être quelqu'un qui se définit comme étant non-genré, qui va être soutenu par cette communauté pour gouverner les États-Unis, puis par effet boule de neige, certaines autres démocraties où on va chercher à ce qu'il y ait, que ce soit au Canada, que ce soit en France aussi, des gens ici de la diversité, au pouvoir. Donc, il y a une mouvance qui présentement prend forme en ce sens. Donc, des fois, c'est ça. C'est qu'on peut avoir des idées. Tout ça, je ferme ma parenthèse, là, parce que je ne veux pas trop m'éparpiller là, dans mon propos. Tout ça pour dire que notre conscience peut nous surprendre en disant des choses à haute voix qu'on n'a pas réfléchi au préalable. C'est sûr que quelqu'un peut me dire, ben, tu étais en période d'incubation de cette idée-là parce que tu t'intéressais au mouvement woke, puis au mouvement LGBT dans les jours qui ont précédé. C'est possible, mais le lien entre ce mouvement-là et la présidence des États-Unis, je ne l'avais pas faite. Puis là, en le parlant en voix haute, ben là, j'ai vu cette possibilité-là, à vouloir faire reculer les limites, aller tout le temps plus loin par rapport à des gens de la diversité, ben c'est sûr qu'à un moment donné, on va sans doute arriver à ce point-là. C'est juste une question de temps. On verra bien qu'est-ce qui arrivera. On aura peut-être un jour un premier président des États-Unis qui va être cyborg. Donc, quelqu'un qui a un corps biologique avec des composantes électroniques. Donc, et là, ça va être plus que le code QR ou l'identité numérique ou le crédit social associé à son identité biologique. Mais on parle d'un individu qui pourrait avoir des implants visuels, implants auditifs, certaines composantes dans l'intérieur de son corps qui permettraient, par exemple, d'avoir en temps réel son rythme cardiaque. C'est sûr que ça peut être utile hein, si on pense à la population vieillissante. Donc, si c'est un président des États-Unis qu'on a éventuellement, qui est âgé un peu comme Joe Biden, qu'il y a présentement, c'est sûr que si la personne est munie d'appareils qui permettent de capter ses signes vitaux, pression cardiaque, pression artérielle, dans le fond, avec des nanosondes dans le corps pour voir l'état des organes, les scanner en temps réel, et qu'il soit branché avec une interface cerveau-machine, c'est sûr que ça peut avoir certaines fonctions. Il y a plusieurs possibilités auxquelles je m'ouvre présentement, et c'est en le parlant que ça se précise. Mais là, je veux revenir sur la thématique de l'enregistrement d'aujourd'hui, qui est celle de la démystification de la conscience. Donc, un des mystères qui peut être lié à la conscience, c'est sûr, c'est l'origine de la pensée, d'où est-ce que ça vient, la pensée. Et c'est sûr que l'une des particularités de la science matérialiste, parce qu'il y a quelques mois, je m'étais intéressé aux travaux de l'Université McGill ici au Québec, là, qui ont un très beau site web là, en lien avec le cerveau, qui expliquait que, dans le fond, les décisions sont prises par le cerveau dans son ensemble et ensuite le conscient, donc la dimension réflexive intellectuelle qu'on peut mettre en relation avec le néocortex, en prend conscience. Autrement dit, ça décide en nous, puis ensuite on prend conscience de tout ça. Dans mon vécu, ça va dans le même sens. Par contre, c'est sûr qu'eux autres appréhendent la chose d'une manière matérialiste. C'est pas des immatérialistes comme André Moreau qui ont fait des études s'appuyant sur les travaux de Berkeley. Là. Parce que André Moreau a fait un doctorat là, qui portait sur l'épistémologie immatérialiste de George Berkeley, qui avait une vision du monde reposant sur le principe que la matière n'existe pas. Sauf que derrière le cerveau, où si on peut dire la conscience globale de l'individu qui est plus vaste que la conscience intellectuelle qui décide avant qu'il prenne conscience intellectuellement de quelque chose, il y a une force, il y a quelque chose qui est là. Et c'est là que c'est délicat d'en parler parce que si je veux en parler intellectuellement en utilisant des mots, des verbes, en construisant des phrases, l'intellect, qui me sert à transmettre des idées dans le cadre d'une capsule audio, ne peut pas appréhender cette réalité-là en totalité. Ce qui fait en sorte que c'est comme quelqu'un qui cherche à comprendre l'ensemble de l'océan en étudiant tout simplement un endroit où il y a une baie. Donc, c'est sûr que si je m'en vais à l'Orchard Beach aux États-Unis, où il y a une baie, donc avec une belle plage, puis j'essaie de comprendre l'ensemble de l'océan à partir du fragment d'une réalité qui est extrêmement vaste, par rapport à quand on parle de l'océan, c'est plusieurs fois, là, je ne sais pas quel pourcentage plus vaste qu'une simple baie, mais c'est beaucoup plus vaste. c'est impossible. Et j'en viens au constat, après plusieurs jours d'arrêt, où je prenais du temps pour m'intérioriser, je prenais des bains, entre autres, j'étais bien calme. J'en viens à la conclusion que l'intellect ne permettra jamais de comprendre totalement c'est quoi la conscience. Et quelque part, l'intellect est trop limité pour ça. Par contre, je réalise qu'une dimension intuitive qui est plus vaste de mon intellect, que si je m'y attarde, en me permettant de vivre un état de transe, j'écoute un enregistrement de Bernard de Montréal, que ça m'apporte des idées nouvelles dans ma vie et ça peut enrichir mon vécu de m'ouvrir un état de transe. Et c'est sûr que la démonstration de l'état de transe en relation avec une vision du monde immatérialiste ou matérialiste, et bien, c'est sûr que ça peut être sujet à débat dans la communauté scientifique qui s'appuie sur des éléments rationnels qui sont observables, mais comme il y a une dimension de la réalité qui m'échappe, que je ne peux pas observer avec ma conscience, bien, à un moment donné, je suis obligé comme de déclarer forfait par rapport à ça. Donc, et prendre un certain recul. Par contre, de la compréhension intuitive, je peux en tirer profit. En lien avec ça, ce que je peux vous mentionner, c'est que ça fait plusieurs mois que je fais l'étude de la langue anglaise de manière intuitive. Autrement dit, ça fait au-dessus de 20 ans que j'étudie ponctuellement l'anglais. J'ai rencontré toutes sortes d'enseignants. Et dans les derniers mois, j'ai rencontré une enseignante. Elle, dans son approche de l'anglais, eh bien, c'est intuitif. Donc, elle part du principe que, au fil du temps, on a entendu beaucoup d'expressions anglaises. Pour les gens qui écoutent des films, qui font lecture de livres, d'articles. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que ça s'enregistre inconsciemment dans le cerveau. Donc, une dimension nous-mêmes qui est imprégnée de qu'est-ce qu'on a déjà entendu ou lu dans le passé en lien avec la langue anglaise, qui nous permet d'avoir accès à des informations qu'on ne comprend pas intellectuellement, dans le sens on ne peut pas expliquer la règle pourquoi que quelque chose se prononce comme ça en anglais, mais on peut le savoir intuitivement. Donc, son approche, à la différence d'au-dessus de 90% des enseignants que j'ai rencontrés dans mon passé, qui visaient à enseigner la langue anglaise, à nous présenter les règles là, par rapport au present perfect, que ce soit le present continuous, le past perfect, le futur, simple future. Il y a plusieurs temps là, en anglais. Là. Mais bon, souvent les enseignants cherchent à nous montrer les règles logiquement, intellectuellement, les principes sur lesquels on peut réfléchir pour prendre une décision pour accorder adéquatement là, tel mot par rapport à un autre ou... Mais elle, son approche, puis pourquoi c'est pour ça que j'en parle dans le cadre de l'enregistrement présent, c'est qu'elle a dit, puis ça revient un petit peu au supramental dans le sens que elle a dit, par rapport à une phrase avec une question choix multiple en anglais, lis-le à voix haute, puis dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'en fonction de tout ce que tu as intégré, puis ta conscience intuitive qui est plus vaste que celle intellectuelle, ça se peut que intuitivement, la bonne réponse va émerger. Tu comprendras peut-être pas la règle logique, tu ne seras même pas capable de l'expliquer qui est derrière ça, mais tu vas avoir une réponse qui émerge en toi, qui est ça, puis ça va être la bonne réponse. Sans que tu en aies une compréhension intellectuelle, mais la bonne réponse va venir de l'imprégnation de ton bagage mémoriel du passé. C'est l'explication qu'elle donne. Elle ne dira pas que c'est vibratoire, mais la façon que ça le passe, c'est un petit peu comme si c'était vibratoire. Parce qu'elle dit, si tu fais juste essayer de deviner, par rapport à la lecture dans ta tête de certaines choses, tu peux avoir un certain résultat. Mais si tu lis la phrase à voix haute, puis par rapport au choix multiple, tu les lis à voix haute, en les parlant, ça va se clarifier. Un peu comme avec la conscience supramentale, où lorsque la personne parle à voix haute, la vibration se manifeste, puis qu'est-ce qui est le plus ajusté apparaît avec grande clarté. Bon, c'est un petit peu le même principe, mais pourquoi je vous en parle? C'est parce que ça marche chez moi. Et ça fait des cours assez spéciaux. Là, c'est sûr que je fais avec elle des cours privés, puis je n'ai pas nécessairement d'autorisation là, de dévoiler son identité. Fait que j'en parlerai pas là, ouvertement, là, n'ayant pas d'autorisation de sa part en son sens, là, donc je reste quand même discret. Mais tout ce que je peux vous dire, puis ça, c'est pas une approche qu'elle a inventée, c'est des constats qui sont intéressants là, qu'elle m'a partagé, c'est que de parler à voix haute quelque chose, ben dans plusieurs cas, par rapport à des choix multiples, à des exercices d'anglais, je vais avoir les bonnes réponses. Puis surtout lorsque j'y parle à voix haute, sauf que the problem I've got is I'm not able to give some explication for why this is the answer. So this is the big problem I have to face. Donc le grand problème auquel je suis confronté, je suis pas capable d'expliquer pourquoi. Fait que là, ça fait des... Tu sais, imaginez, vous faites un exercice, vous avez 17 sur 20, mais vous n'êtes pas capable d'expliquer pour la plupart des réponses pourquoi que c'est ça. Ben, c'est ça parce que c'est ça. C'est ça l'aspect intuitif. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, dans mon cas, en tout cas, au niveau de l'apprentissage de l'anglais, ça donne un résultat. Ben, j'essaie plusieurs apprentissages. La méthode musicale de mémorisation, on écoute des enregistrements, on s'imprègne de tout ça. Ça nous rentre dans la tête, ça donne certains résultats. Un peu comme les paroles d'une chanson. D'ailleurs, j'ai chanté en anglais dans le passé pour m'imprégner de la langue anglaise. Et pourquoi j'étudie l'anglais? Ben, un peu comme j'avais déjà entendu un conférencier dire que la langue anglaise, c'est un petit peu comme une clé passe-partout. Ça ouvre plusieurs portes. Alors que une langue comme le français, bon, ben, il y a certains pays dans le monde qui le parlent, mais la langue anglaise, c'est plus parlé dans différents pays. La personne va aller à Cuba, ils vont parler en espagnol essentiellement et en anglais. Il y a quelques endroits qui vont parler en français, mais c'est pas aussi répandu. Ensuite, la personne va au Japon, un peu partout, c'est en anglais. Fait qu'un peu comme une clé passe partout, ben, l'anglais a cette utilité-là. Et c'est sûr que j'étudie l'anglais. Ça permet d'écouter aussi beaucoup de vidéos sur Netflix auxquelles je suis abonné, là. Donc, sur cette plateforme, qui sont exclusivement en anglais. Des fois, ils sont sous-titrés en français, mais les films ou les téléséries sont pas toujours traduites en français parlé. Donc, ça fait partie des lacunes. Et c'est ça, je les écoute en anglais pour me familiariser toujours de plus en plus avec cette langue ou conserver mes acquis. Donc, c'est sûr que je voulais mentionner par rapport à l'apprentissage intuitif de l'anglais, qui donne certains résultats chez moi, fait que c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est sûr que la particularité aussi de la conscience intuitive, en prenant un recul par rapport à elle, c'est que dans l'état de transe, ou que je suis en état de disponibilité par rapport à mon intériorité, ben il peut y avoir plusieurs idées qui émergent chez moi que je ne pouvais pas prévoir avant et qui sont là. Puis une fois que je sors de cet état-là, les perceptions disparaissent. C'est ça qui est particulier. C'est comme si on... Ben, Bernard de Montréal parlait de couper le canal, mais c'est comme on se distancie de ces perceptions-là. Puis, en tout cas, dans mon vécu, il y a comme une disparition. Puis quand j'entre là-dedans, puis je peux vivre quelque chose avec quelqu'un où on va avoir des mêmes idées simultanément. Fait que là, c'est sûr que les gens vont dire, ben c'est parce que tu es très synchronisé sur la personne. Il y en a d'autres qui vont dire, ben c'est parce que vous recevez la même pensée qui vient du même esprit. Bon, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Mais le phénomène particulier, c'est que quand on parle dans un état de transe, puis on est avec une autre personne en transe, ben ça peut être possible de commencer une phrase, puis l'autre personne la complète. Donc, parce que, ou la perception de la même idée en même temps. La personne, ah, telle idée. Puis là, avant que la personne dise, des fois, je m'essaye de, je pense entre autres à certaines personnes de mon environnement, je dis, ah, tu vas me dire telle affaire. C'est comme si la même idée qui a émergé, un peu comme une ampoule qui s'allume dans le mental, j'ai le même élément qui apparaît. En même temps. Donc, c'est spécial. Recevoir la même pensée qu'une autre personne ou la percevoir en même temps, c'est un phénomène particulier. Dans mon vécu, parce que j'ai fait pendant plusieurs années là, des enregistrements avec Marc de la Salle. Marc, dans le fond, quand que je faisais des enregistrements avec lui, bon, c'est sûr que des fois je l'interviewais, j'avais des mots-clés pour lui poser des questions. Puis des fois, il me posait des questions. Puis ça m'a amené à parler des choses que j'avais pas prévues, puis je découvrais en même temps que lui. Donc, puis on se relançait. Et ce que je veux dire par rapport à cette conscience-là, c'est que, dans le fond, depuis plusieurs années, je cherche à la démystifier. Je me suis intéressé à la psychologie conventionnelle, je me suis intéressé aussi aux neurosciences, je me suis intéressé à des voies un peu plus occultes ou spirituelles, dont notamment le chamanisme, différentes philosophies, différentes religions, etc. Puis en bout de piste, je suis rendu à 40 ans, puis j'ai pris un temps d'arrêt pour plusieurs jours pour aller plus à fond. J'en suis à un point où ce que je réalise que ça existe, mais que intellectuellement, un peu comme je le disais tantôt, j'arrive pas à une explication qui me satisfait totalement. Et à quelque part, c'est sûr, ça me contrarie, parce que moi, j'aime étudier des phénomènes puis de les cerner. Donc, que ce soit un phénomène météorologique ou autre. Mais tout ça pour vous dire que, à quelque part, même si je suis pas capable d'appréhender pleinement le phénomène avec l'intellect, ou être capable de verbaliser d'une manière totale dessus, ce que je peux dire, c'est que le phénomène existe. Et que, à quelque part, à travers l'état de transe, la dimension intuitive, en se connectant à cette réalité-là, ben, ça permet l'émergence de pensées divergentes qui peuvent, dans le fond, bonifier notre vie de pensées nouvelles ou qui peuvent nous apparaître comme étant nouvelles, dans le sens que c'est la première fois qu'on les intercepte. Et c'est ce qui peut, dans le fond, tu sais, enrichir, par exemple, quelqu'un qui fait un remue-ménage. D'ailleurs, l'approche du remue-ménage, je ne sais pas si des gens s'étaient arrêtés à ça, mais ça fait penser un petit peu à l'approche implicitement qui est véhiculée à travers l'instruction de Bernard de Montréal, qui consiste à penser, à parler, à voix haute spontanément toutes les idées qui émergent, sans réfléchir. Donc, l'idée vient avant la perception intellectuelle et l'interprétation, la trafication. Donc, le remue-ménage, à la base, c'est ça. Puis, est-ce que ça donne des résultats, parler spontanément, sans réfléchir? Ben oui. Je suis obligé de vous dire que c'est le cas. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est sur cette considération que je vais vous laisser aujourd'hui. Le but, c'était de vous partager un petit peu le cheminement de conscience que je vis depuis quelques jours dans une optique de démystification, mais la démystification ne se fait pas avec l'intellect, avec les mots. C'est ce que je constate que j'en viens. Dans mon cas, si vous évaluez que vous êtes capable de démystifier la conscience à travers l'intellect et les mots, c'est correct aussi. Chacun a composé avec la réalité, mais l'important, c'est de composer avec la réalité par rapport à soi. Et c'est sûr que, à mon avis, apporte plus de satisfaction. Donc, écoutez, merci de votre écoute. Encore une fois, je vous souhaite une belle année en dépit de tout ce qui peut être véhiculé là, dans les médias de masse, par les politiciens, les journalistes, tout ce monde-là. Bye.